promets-moi, regarde-moi, dis-le-moi dans les yeux. Conserve mes secrets, je tairai tes défauts. Pour toujours, il n'y aura que nous deux. On disait que c'était vrai, on savait que c'était faux. On s'était promis l'impossible, je l'admets. Je connais le prénom de nos enfants qui ne naîtront jamais. Et si la vie est belle, alors l'amour c'est dur. Et notre amour n'était pas qu'un amour d'été. On s'était partagé nos pensées vagabondes dans notre belle idylle avant que vienne l'averse. On s'était promis qu'on ferait le tour du monde. Maintenant on va le faire, chacun dans son sens inverse. On a jeté nos promesses à la mer. Elle le voyait, elle qui était si sage, que tout serait effacé. L'amour est aussi éphémère qu'un cœur dessiné sur la plage. Et puis la vague est passée. Dit je prends un café, j'en vois jamais, j'ai dit pareil. On n'a même pas fini les films qu'on a commencé. De nos deux paires de pierres, laissez des étincelles. Rien n'avait de sens quand nos confiances étaient fiancées. L'amour transforme l'inutile en essentiel. Dans tes yeux j'étais moi, mon parfum sur tes cils. Tu changeais mon matelas en grande plaque du Brésil. Ange tombé du ciel, faisait taire mes démons. Je te disais tellement je t'aime, c'était presque ton prénom. Tout ça c'est terminé, pas facile de me faire à l'idée que ça fait une éternité qu'on s'est promis l'éternité. Quand les promesses sont des mensonges, tout se désenchante. L'amour de jeunesse, c'est croire qu'on va vivre ensemble. Les promesses.